Je circule sur une chaussée comportant deux voies de circulation à double sens. Les conditions requises pour dépasser en toute sécurité sont ici réunies. La visibilité vers l'avant est suffisante, personne n'arrive en face. La signalisation n'interdit pas le dépassement puisque la ligne mixte est discontinue de mon côté. Enfin, aucun véhicule n'est sur le point de me dépasser. Je signale donc mon intention et je dépasse. Réponse A.